السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. On va continuer ce qu'il a dit Cheikh Fawzan Hafidhahullah dans l'explication de نواقض الإسلام et des annulatifs de l'islam. Il a dit: والناس في هذه النواقض ثلاثة أقسام طرفان ووسط. Il dit que les gens par rapport à ces annulatifs là, ils sont de trois types: deux extrêmes et un juste milieu. Deux extrêmes et un juste milieu. الطرف الأول الذين يغالون في التكفير والحكم على الناس بالكفر ويكفرون الناس من غير روية أو فقه أو معرفة. هذا مبدأ الخوارج الذين خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين في العهود المتأخرة يكفرون المسلمين ويغالون في الكفر. فكل من خالفهم كفروه واستحلوا دمه. فالخوارج عندهم ثلاثة مبادئ. Et le premier extrême, ce sont ceux qui abusent dans le fait de rendre mécréants les gens et de juger de leur mécréance. Ils rendent les gens mécréants sans réflexion et de façon précipitée et sans science ni connaissance. Il dit que ça, c'est la base des Khawarij qui sont sortis, qui sont révoltés à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des califes bien guidés et des autres époques. Qui rendent mécréants les musulmans et qui abusent dans leur mécréance et toute personne qui les contredise, ils le rendent mécréant et rendent halal, permis son sang. Et les Khawarij, ils ont trois bases. Les Khawarij, ils ont trois bases avec lesquelles ils ont commencé leur madhab. Le mabda al-awwal, takfir al-nas bid-dunubi al-kabair, bid-dunubi al-kabair al-lati dun al-shirk. Le mabda al-thani, al-khuruj ala wulat umur muslimin. وشق عصطها. والمبدأ الثالث استحلال دماء المسلمين. Il a dit que leur première base, c'est le fait qu'ils rendent mécréants les gens suite au péché, les grands péchés, les kabaïr, qui sont en dessous du shirk, du polythéisme. Deuxième chose, c'est qu'ils se révoltent contre les gouverneurs et les dirigeants musulmans et qu'ils leur désobéissent. Et la troisième chose, c'est qu'ils rendent permis le sang des musulmans. Ils disent que c'est permis de les combattre et de les tuer et que leur sang il est halal. يهذا سبب أخذ النصوص التي تدل بظاهرها على الكفر أو على الشرك أخذوها على ظاهرها دون أن يجمعوا بينها بين النصوص الأخرى التي تفسرها وتوضحها. فإن الكفر ينقسم إلى قسمين. Il a dit que la cause de cela, c'est qu'ils ont pris les textes du Coran et de la Sunna qui montrent de façon apparente que la personne qui fait cette action-là est mécréante, qui montre la mécréance de certaines personnes qui font des actes précises, ou qui montrent que ce sont des polythéistes, que ce qu'ils ont fait, c'est du polythéisme, du shirk. Ils ont pris de façon apparente, sans regrouper les textes, et avec les autres textes qui les expliquent, et qui les éclairent. Et il fait une kufra tankasim ou yankasim la kismin. La mécréance est de deux types: kufrun akbar wa kufrun asghar. Wa shirku yankasim ou yankasimin shirkun akbar wa shirkun asghar. La mécréance est de deux types. Et le polythéisme aussi est de deux types: la mécréance majeure et la mécréance mineure. Et le polythéisme majeur. Et le polythéisme mineur. Le shirk akbar ou le kufr akbar yukhrijani min ad-din wa yanqudani al-islam. Il a dit que le polythéisme majeur et la mécréance majeure, ils font tous les deux sortir de l'islam, ils rendent la personne mécréant et annulent l'islam. Ils font tous les deux sortir la personne de la religion et annulent l'islam. Le shirk asghar ou le kufr asghar la yukhrijani min ad-din lakinnahuma yunqisani al-islam wa al-iman. Et le polythéisme mineur et la mécréance mineure, ils ne font pas sortir de la religion, ne rendent pas la personne mécréante, mais ils diminuent l'islam et la foi, la religion de la personne. فهم أي الخوارج لا يفرقون بين هذا وذاك ليس عندهم كفر أصغر ولا شرك أصغر إنما الكفر والشرك عندهم شيء واحد والخروج من الدين أخذوا بظواهر النصوص وتركوا النصوص الأخرى التي تفصل هذه الأمور وتقسمها إلى قسمين لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالدين وعدم تمكنهم من العلم. فصاروا يكفرون الناس ويبالغون في التكفير من غير فقه ولا روية، يطبقون النصوص على غير محلها لأنهم ليس عندهم فقه، لأن عيسى عندهم فقه، فهم مجرد قراء يقرؤون اللفظ ولا يفهمون معنى ولا يفهمون المعنى ثم يطبقونه على الناس. Et ainsi les Khawarij, eux, font pas de différence entre ces deux types-là. Pour eux, il n'y a pas de polythéisme mineur et majeur. Pour eux, le polythéisme et la mécréance, c'est une seule et unique chose. Ils font pas de différence entre les deux. Ils ont pris les textes de façon apparente. Ils ont délaissé les autres textes, les autres preuves qui expliquent cette mas'ala-là et qui divisent la mécréance en deux et le polythéisme en deux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas de connaissance de la religion et ils ne sont pas ancrés dans la science. Ce qui a fait qu'ils ont rendu mécréants les gens et ils ont abusé dans le fait de rendre mécréants les gens sans compréhension et sans méditation. Et le cheikh, il a dit qu'ils prennent les textes et les appliquent d'une façon qui n'est pas correcte. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas les textes. Ils sont juste des lecteurs, de simples lecteurs, qui lisent, mais qui ne comprennent pas le sens. Et ensuite, ils mettent en application ça sur les gens. Les fahaoulaï hum al-khawarij, lahum warathatul an, ma'al asaf, mimman yukaffiru al-nas, wa yubalighuna fi al-takfir, wa yastahiluna al-dima'a bihujjati anna haoulaï kuffar. Falahum warathatul an, min shababina, min juhalina, min muta'alimina. Il a dit que ce sont eux les Khawarij et qu'ils ont des héritiers maintenant, de façon, même si c'est triste, qui rendent mécréants les gens et qu'ils abusent dans le fait de rendre mécréants les gens et qui rendent permis le sang des gens en se basant sur le fait que ce sont des mécréants. Donc ils ont des héritiers parmi les jeunes et parmi les ignorants et parmi ceux qui se disent étant des gens de science. Alors qu'ils ne sont pas. Ça, c'est le premier groupe. هذا مبدأهم أخذوا من نصوص الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والرحمة ولم يجمعوا بينها بين نصوص الوعيد التي فيها التحذير من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي فهم أخذوا من نصوص الوعد واعتمدوا على الرجاء فقط أولئك الخوارج أخذوا من نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والرحمة والرجاء. فأخذوا بجانب الخوف واشتد بهم الخوف وغلبوا جانب التكفير على الناس واستحلوا دماءهم وأموالهم بهذا المذهب الفاسد deuxième groupe sont les murji'a qui eux qui disent que la foi c'est une chose qui est dans le cœur et que les actions ne font pas partie de la foi et d'autres disent que la parole ne rentre pas non plus dans la foi. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'avoir la foi dans le cœur, c'est suffisant. Et le fait de prononcer la foi ou de mettre en application, ce n'est pas obligatoire, ça ne rentre pas dans la foi. Ainsi, ils disent que peu importe ce que la personne fait comme action, il ne sera pas mécréant. Ils disent aussi que du moment que la personne elle est croyante, et bien si elle fait des péchés, ce n'est pas grave. Et voilà, du moment que la personne est mécréante, si elle fait des obéissances, elle ne servira à rien. Ça, c'est leur base. Donc, eux, ils disent que la foi, c'est une chose qui est dans le cœur. Et les actions et la parole, ça ne rentre pas dans la foi. Peu importe si la personne fait des péchés ou si elle fait une obéissance, ça ne change rien à sa foi. Eux ont pris les textes qui sont les textes de promesse, dans lesquels Allah Azzawajal a promis le pardon et sa miséricorde. Et ils n'ont pas regroupé les textes de la promesse et les textes de menace, nusus al-wa'id ou al-wa'id. Et les nusus al-wa'id, c'est ceux dans lesquels il y a la mise en garde contre la mécréance et le shirk, le volutéisme et les péchés et les désobéissances. Eux, ils ont pris les textes qui sont simplement sur la promesse et sont basés sur ça et sur l'espoir. Alors que les Khawarij, eux, ont pris des textes dans lesquels il y a des menaces, une source de wa'id. Ils ont délaissé les textes dans lesquels il y a des promesses de pardon et de miséricorde et d'espoir. Donc les Khawarij, eux, ils ont penché vers la peur. Et leur peur s'est intensifiée. Et ils ont alors fait pencher le côté de la peur et du takfir, de rendre les gens mécréants. Et ils ont rendu permis leur sang et leur fortune à cause de ce madhab qui est erroné. Ça, c'est le deuxième groupe. Le premier groupe, ce sont les Khawarij. Le deuxième groupe, ce sont les Murji'a. Et il a dit, al-Tarf al-Thalith, le troisième groupe, Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a, hum wasatun bayna al-madhhabayni, madhhab al-Murji'a wa madhhab al-Khawarij. Fayajma'una bayna an-nusus wa yaqulun inna al-kufra fi al-Qur'an wa al-Sunnah yanqasimani ila qismayn. Kufr akbar wa kufr asghar. الشرك وشرك أكبر وشرك أصغر والذنوب التي دون الشرك لا يكفر أو لا يكفر صاحبها. Le troisième groupe sont les gens de Sunna, Ahl Sunna wa Jama'a, qui eux sont entre les deux, entre les Murji'a et les Khawarij. Et eux, ils regroupent tous les textes qui parlent de la promesse et de la miséricorde, du pardon, et les textes qui parlent de la menace et de la mise en garde contre le polythéisme et la mécréance. Et ils disent que dans le Coran et la Sunna, le kufr, la mécréance et le polythéisme, c'est divisé en deux parties. La mécréance majeure et la mécréance mineure, et le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Et les péchés qui sont en dessous du shirk, la personne, si jamais elle en fait, elle ne devient pas mécréant. Elle ne devient pas mécréant suite à ces péchés-là. Fash shirk al-akbar wa al-kufr al-akbar yukhrijan min al-millah. والشرك الأصغر والكفر الأصغر لا يخرجان من الملة خلافا للخوارج لكنهما ينكسان الإيمان خلافا للمرجئة. Donc ainsi, le polythéisme majeur et la mécréance majeure font sortir de la religion, de l'islam. Et le polythéisme mineur et la mécréance mineure ne font pas sortir de la religion, contrairement à ce qu'ils disent les khawarij, mais ils diminuent la foi de la personne, contrairement à ce qu'ils disent les murji'a. Fahum في طرفين نقيل فهم في طرفين نقيل ainsi sont à deux extrêmes opposés, sont deux extrêmes opposés. Les Khawarij et les Murji'a, ils sont à deux extrêmes opposés et les gens de Sunna sont entre les deux. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط, ils sont entre les deux. جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد وجمعوا بين الخوف والرجاء فلم يأخذوا بالرجاء فقط كما أخذته المرجئة ولم يأخذوا بالخوف فقط أو لم يأخذوا الخوف فقط كما أخذته الخوارج. Et les gens de Sunna sont entre les deux. Ils ont réuni les textes qui parlent de promesses et de miséricorde et de pardon, et les textes qui parlent de menaces et de mise en garde contre la mécréance. Et ils ont regroupé entre l'espoir et la peur, et n'ont pas pris seulement l'espoir comme l'ont fait les Murji'a, et n'ont pas pris non plus seulement la peur comme l'ont fait les Khawarij. C'est pour ça justement qu'ils s'appellent Al-Wa'idiyya. Al-Wa'idiyya, c'est-à-dire ceux qui se basent sur les textes de menace, les wa'id. فمن عبد الله بالخوف فقط فهو مرجي فهو خارجي. فمن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي. ومن عبد الله بالحب فقط فهو صوفي. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة فهو موحد سني. هذا هو التفصيل في هذه المسألة العظيمة. Il a dit que celui qui adore Allah avec la peur seulement, eh bien lui, ce sera un khariji. Parce que les khawarij, ce sont ceux qui ont, comme on a dit, la base, qui se basent sur les textes de menaces, une source de wa'id. C'est pour ça qu'Ali ibn Abi Talib, quand on le demandait, radiallahu anhu, est-ce que les khawarij sont des mécréants, il a dit, mais al-kufri farru, mais al-kufri farru. Ils ont eu peur, mais du coup, ils ont tellement eu peur qu'ils ont fui des mécréances. Et celui qui adore Allah Azza wa Jal avec l'espoir seulement, et lui c'est un murji, parmi les murji'a. Et celui qui adore Allah avec l'amour seulement, ça c'est un soufi, qui disent qu'ils n'adorent pas Allah par peur ni par crainte, mais par amour. Ça c'est, ce sont les soufis qui disent ça. Et celui qui adore Allah Azza wa Jal avec la peur et l'espoir, avec amour, et aspiration et crainte. Et bien lui, c'est mouhid, monothéiste, un sunni. Il a dit, c'est ça le tafsil dans cette mas'ala. C'est ça qui croit dans cette mas'ala. Et c'est ça le détail qui croit dans cette mas'ala qui est très importante. معرفة هذه النواقض لها أهمية كبرى حتى يكون الإنسان على بصيرة ولا يكون مع الخوارج ولا يكون مع المرجئة إنما يكون مع أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين النصوص عملا بقوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Il a dit que le fait de connaître les agnotifs de l'islam, c'est très important, de sorte à ce que la personne soit sur une voie qui est claire et sur la clairvoyance, et qu'elle ne fasse pas partie des khawarij, et qu'elle ne fasse pas non plus partie des murji'a, et qu'elle soit avec les gens de sunnah, ahl sunnah wa jama'a, ceux qui ont regroupé tous les textes de peur et de menace et d'espoir et de miséricorde, en mettant en application le verset dans surat Al Imran, dans lequel Allah il a dit, sur une traduction rabouchée du verset, que c'est lui certes qui a fait descendre sur toi le livre, le Coran, dans lequel il y a des versets muhkamat qui sont explicites, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent porter à équivoque, qui ne sont pas forcément explicites. Et ceux qui ont un cœur qui penche vers l'égarement, ils vont suivre les versets qui portent à équivoque en cherchant par cela la fitna et en cherchant par cela l'explication, alors que seul Azzawajal connaît l'explication de ces versets-là. Alayna fi kulubi zayrun minhum al-khawarij wal-murji'a al-khawarij akhadu bil-mutashabih والمرجئة أخذوا المتشابه ولم يردوا المتشابه إلى المحكم. Il a dit que ceux qui ont dans leur cœur un penchant vers l'égarement, parmi eux les khawarij et les murji'a. Les khawarij ont pris des textes qui sont équivoques, qui peuvent porter à équivoque, et les murji'a ont fait pareil, ils ont pris des textes qui peuvent porter à équivoque et ils n'ont pas remis aux versets qui sont explicites, qui sont clairs. إن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. Il a dit pourquoi? Parce que le Coran il s'explique. Une partie explique l'autre partie, et une autre partie explique l'autre partie. C'est-à-dire que c'est avec le Coran qu'on fait l'explication du Coran. La meilleure façon d'expliquer le Coran, c'est d'utiliser le Coran. Et la meilleure façon pour clarifier le Coran, c'est d'utiliser le Coran, comme ils ont dit savant, tafsir le Coran bil Coran. Amma ahl sunnati الراسخون في العلم فأخذوا بالأمرين ردوا المتشابه إلى المحكم ففسروا المتشابه بالمحكم. Il a dit que ceux qui sont les gens de Sunna, qui sont ancrés dans la science, eux, ils ont pris les deux choses. Ils ont pris les versets qui sont équivoques, qui peuvent porter à équivoque, et les versets qui sont clairs. Et ils ont remis les versets qui sont implicites, qui ne sont pas explicites et qui peuvent porter à équivoque. Ils les ont remis aux versets qui sont clairs. Et ils ont expliqué les versets qui peuvent porter à équivoque avec les versets qui sont clairs. فَهْتَدَوْا إِلَى الْحَقِّ. Ainsi, ils ont été guidés vers la vérité. Ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent on y croit, parce que tous les versets viennent de notre Seigneur, que ce soit ceux qui sont clairs ou ceux qui peuvent porter à équivoque, ils viennent tous de notre Seigneur. Parce que les versets qui sont clairs, ceux qui sont sujets à équivoque, ils sont tous la parole d'Allah, ça ne peut pas se contredire. De même que la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle ne peut pas se contredire, parce que ça vient de la même personne. فَجَمَعُوا بَيْنَ هَذَا وَهَذَا وَفَسَرُوا هَذَا بِهَذَا وَقَيَدُوا هَذَا بِهَذَا هَذِي طَرِقَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ أَمَّا أَهْلُ الضَّلَالِ فَهُمْ يَقُولُونَ بِالطَّرَفِ وَهُوَ الْمُتَشَابِهِ. Il a dit qu'ainsi, ils ont regroupé les deux choses, ils ont regroupé les versets clairs et ceux qui sont sujets à équivoque, ils ont expliqué l'un avec l'autre et spécifié l'un avec l'autre. Et ça, c'est la voie de ceux qui sont ancrés dans la science. Ceux qui sont ancrés dans la science. Et quant aux gens de l'égarement, eux, ils disent, ils se basent sur les versets qui sont sujets à équivoque, qui ne sont pas explicites. فالمتشابه من آيات الوعيد أخذوا به الخوارج، والمتشابه من آيات الوعد أخذوا به المرجئة، وضلوا عن سواء السبيل. فالخوف على المسلمين من ناحيتين. Et ainsi les versets qui sont sujets à équivoque parmi les versets de la menace de Sourate Al-Wa'id, les Khawarij ont pris cela. Et les versets qui sont équivoques, qui peuvent porter à équivoque parmi les textes de Wa'id, de promesses et de miséricorde, les Murji'ahs ont pris cela. Et ils sont tous les deux égarés du droit chemin. فَالْخَوْفُ وَلَا الْمُسْلِمِينَ مِنْ نَاحِيَتَيْنِ Ainsi, on doit craindre pour les musulmans par rapport à deux choses. النَاحِيَةُ الْأُولَى الْجَهْلُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَعَدَمُ تَعَلُّمِهَا وَعَدَمُ تَمْيِيزِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ Premièrement, le fait d'être ignorant par rapport à ces choses-là et de ne pas les apprendre et de ne pas savoir différencier entre la vérité et ce qui est faux. وَالنَّاحِيَةُ الثَّانِيَةُ الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُتَعَالِمِينَ الْيَوْمَ تَجَرَّؤُوا عَلَى مَسَائِلَ كِبَارٍ عَظِيمَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ فصاروا يتكلمون فيها ويفتون ويحكمون على الناس بجهل وضلال والعياذ بالله. Deuxième chose, c'est le fait de parler sans science sur Allah, sur la religion d'Allah Azza wa Jal. Parce que beaucoup parmi ceux qui disent qu'ils sont des gens de science ou qui sont rattachés à la science, ils n'ont pas de retenue par rapport aux grandes masaïl et aux grands sujets de la religion, parmi les sujets de la aqida. Ainsi, ils parlent sur les gens, ils font des fatwas. Et il juge les gens avec ignorance et égarement. On est à l'abri de Allah. Et qu'Allah nous le cher. Le wajib ala al-muslim en yasluka tariqa ahli al-haqqi. Lakin hada la yumkinu illa bita'allumi wa tafaqquh. Illa bita'allumi wa tafaqquh fi d-din. Fi d-din Allah. Fala yakfi hifzu al-nususi lianna ba'dahum yahfazu sahih al-Bukhari wa muslim al-sunan. Lakinahu la yafqahu ma'naha wa la yadri ma تفسيرها ويفسرها من عنده أو يتلقى تفسيرها من أهل الضلال من الخوارج والمرجئة فهذا هو الخطر. Il a dit que ce qui est obligatoire pour les musulmans, c'est de prendre la voie des gens de la vérité. Mais ça, c'est pas possible, sauf en apprenant et en cherchant à comprendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Il a dit que ce n'est pas suffisant le fait de mémoriser les textes, ce n'est pas suffisant. Le fait de mémoriser les textes du Coran et la Sunna, ce n'est pas suffisant. Parce que certains parmi eux mémorisent Sahih Bukhari et Sahih Muslim et les Sunan, Sunan al-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, mais ils ne comprennent pas leur sens et ils ne savent pas qu'est-ce que leur explication. Et d'autres même les expliquent de leur façon, comme ils veulent. Ou ils prennent l'explication des gens de l'égarement, comme les Khawarij et les Murji'a. Il a dit que c'est ça. C'est un danger. Ça, c'est ce qui est dangereux. Il a dit que la science n'est pas seulement le fait de mémoriser. La science est le fait de mémoriser, de comprendre et de comprendre les sens qui sont voulus. Il a dit que le fait de mémoriser, ça ne suffit pas comme science, sauf si on apprend et qu'on cherche la science auprès des savants et qu'on étudie avec eux. هذه الطوائف الضالة التي أصبح شغلها الشاغل الآن التناحر والترشق بالكلام والتضليل والتبديع والتفسيق من غير بصيرة ومن غير علم ولا فقه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Il a dit que ainsi, ce qui est obligatoire pour nous, c'est de se concentrer sur ça de façon très importante et de y accorder une grande attention. Pour pas qu'on tombe dans la même chose dans laquelle sont tombés ces groupes-là qui sont égarés et qu'aujourd'hui, leur plus grande occupation, c'est de combattre et de lancer des paroles en égarant et en rendant les gens comme les Moubtadir, disant que les gens sont des gens de Bid'a ou qu'ils sont des gens pervers, sans science et sans clairvoyance et sans compréhension. Il a dit wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. هذا الجانب أو هذا جانب عظيم يجب علينا أن نهتم به وننبه له أو نتنبه له لأن نقتصر وأن لا نقتصر على مطالعة وأن لا نقتصر على المطالعة في الكتب أو حفظ المتون والنصوص دون فقه لمعانيها وتفسير لأحكامها وتفاصيلها على أيدي العلماء والخوارج ما ضلوا إلا بهذه الطريقة وهي الحفظ بدون فهم لهذا يقول الإمام ابن القيم فيهم ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. Il a dit que ainsi, ceci est une chose très importante pour laquelle on doit accorder une grande importance et qu'on fasse très attention. Il a dit Allah naqtasira ala al-mutala'a fil kutub, qu'on ne se limite pas juste au fait de lire dans les livres et de mémoriser les moutons et les preuves du texte, les preuves du Coran et de la Sunna sans comprendre leur sens et sans être clairvoyant par rapport à leurs détails et leurs jugements et sans qu'on cherche à comprendre leur sens chez les savants. Il a dit que les Khawarij sont égarés suite à cette chose-là. Ils sont égarés que par cette chose-là, par cette voie-là, le fait de mémoriser sans comprendre. C'est pour ça qu'il a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ils ont des textes, mais ils ont été négligents par rapport à leur compréhension. Et ainsi, ils ont été touchés par leur manque d'effort dans leur science. C'est-à-dire que le fait qu'ils n'ont pas fait des efforts pour comprendre les textes, ça a été la cause qu'ils ont été touchés dans leur compréhension. Ils n'ont pas compris les textes comme il fallait. عندهم نصوص وعندهم حفظ يقرؤون القرآن الليل والنهار يصلون الليل كله ويصومون الدهر لكن ما عندهم من الفقه ميزان حبة خردل ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. الفقه أمره عظيم. الفقه هو فهم النصوص ولا بد أن تعرف مركبات الدعاء أولا. Il a dit qu'ils ont les textes des Khawarij, ils ont le Coran, la Sunna, ils ont la mémorisation, ils ont le Coran, ils lisent nuit et jour, et ils jeûnent nuit et jour, ils jeûnent toute la journée, et ils prient toute la nuit, mais ils n'ont pas de compréhension, ne serait-ce que le poids d'un grain d'atome, ne serait-ce que le poids d'un grain d'atome, ou ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde. Il a dit, c'est pour ça qu'ils sont tombés dans les erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Donc ainsi, le fait de comprendre, la compréhension, c'est une chose très importante. La compréhension, c'est une chose très importante. Et la compréhension, c'est le fait de comprendre les textes du Coran et de la Sunna comme il faut. Et il a dit, ensuite il a dit, « Habibullah, « Wala buddhan ta'arifa murakabati ad-dawa'i qabla awalan. »« Wala buddhan ta'arifa murakabati ad-dawa'i awalan. »« Thumma ta'arif al-illata allati fil maridi wa tu'tihi min ad-dawa'i ma yunasibuha. » فإذا وافق الدواء الداء نفع بإذن الله وإذا لم يوافق الداء الدواء ضر. Il a dit que la personne doit absolument connaître ce qu'il y a dans les médicaments. Ensuite, il faut qu'elle sache ce que le malade il a comme maladie et qu'elle lui donne le médicament qui lui convient. Et si jamais le médicament convient à la maladie, et ce sera profitable. Ce sera profitable par la permission d'Allah Azzawajal. Et si jamais le médicament n'est pas profitable et n'est pas correspondant à la maladie, et bien ce sera nuisible. Si on donne un médicament qui n'est pas le bon à une personne qui a des maladies qui ne lui correspondent pas, ça ne sera pas profitable, mais ce sera nuisible. Et il fait l'alim ou l'imanzia type tabibi ma'al marda la buddha min amrin a ya'rif al-dawa wa mawaqi' al-dawa ويعطي كل مريض ما يناسبه من الدواء. هذا تمثيل صحيح يتملته لكن هذا يحتاج إلى فكر وبصيرة. Il a dit que le savant c'est comme un médecin avec des malades. Il faut absolument deux choses. Premièrement qu'ils connaissent le médicament et deuxièmement qu'ils connaissent ce sur quoi le médicament va agir. Et qu'ils donnent à chaque malade ce qui lui convient comme médicament. Il a dit ça, c'est un exemple qui est correct si jamais on réfléchit, on comprend, mais que pour cela il faut avoir de la compréhension et de la clairvoyance. Ikhwanuna al-ana yarawna annahum hum afham min al-ulama. لهذا وقعوا فيما وقعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طريقة الخوارج. الخوارج كفروا الصحابة رضي الله عنهم ورأوا أن الصحابة ليسوا على حق وأنهم لا يفهمون وأنهم لا يغارون لله تعالى. يعني le problème c'est que nos frères aujourd'hui ils voient qu'ils sont plus savants et qu'ils ont plus de compréhension que les savants. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans les erreurs dans lesquelles ils sont tombés. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et il a dit que ça, c'est la voie des khawarij, la voie des khawarij qui pensent qu'ils ont plus de science, plus de compréhension que les savants, et que les savants sont égarés que ceux qui sont sur la vérité. Les khawarij ont rendu mécréants les compagnons, qu'Allah les accueille tous, et ils ont vu que les compagnons, ils n'étaient pas sur la vérité, selon eux, et que les compagnons ne comprenaient pas selon eux. Et que les compagnons aussi, ils n'étaient pas jaloux pour Allah, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de jalousie par rapport à la religion. ابن قيم نجسا رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني. يجيب الجهل داء قاتل وشفاؤه. يجيب l'ignorance c'est une maladie mortelle et son remède ce sont deux choses. Son remède c'est deux choses في التركيب متفقان qui sont tous les deux liés. نص من القرآن أو من سنة. Premièrement, c'est un texte venant du Coran ou un texte venant de la Sunna. Et deuxième chose, c'est un médecin. Et le médecin de ces choses-là, c'est le savant réformateur. Alimur Rabbani, qui réforme les gens et qui les forme des plus petites masailles de la science jusqu'aux plus grandes masailles de la science. Il commence par les choses qui sont les plus petites de la science. Et ensuite, il les forme jusqu'à ce qu'ils atteignent les points les plus compliqués de la science, ce qu'on appelle les ulama al-rabbaniyin. Il dit inna al-khatara al-yawm 'azim jiddan. Il dit qu'aujourd'hui le danger est très important. Le danger est très important. Naqulu alhamdulillah al-shabab 'indahum iqbalun 'ala ad-din wa 'indahum sahwatun kama yaqulun walakin in lam turshad hadhihi as-sahwatu wa hadha al-iqbalu sara dhalika dalalan fala budda min tarshidiha وتصحيحها وتثقيفها وتثقيفها بدين الله حتى تكون صحوة على بصيرة وعلى علم وفقه وإلا فإن هذه صحوة ستضر المسلمين إن لم يتنبهوا لها ويرشدوا شبابهم وإخوانهم في دين الله شبابهم وإخوانهم في دين الله. Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il a dit qu'aujourd'hui, le danger est très important. Il dit qu'on peut dire Alhamdulillah parce que les jeunes aujourd'hui, ils se tournent vers la religion et ils ont un peu de raison et de sérénité, comme ils disent, mais que cette raison-là, si jamais elle n'est pas guidée, et ce tournement vers la religion, si jamais il n'est pas guidé, ce sera un égarement. Ça deviendra un égarement. Donc il faut absolument guider cette raison-là et la corriger et la rattacher à la religion d'Allah jusqu'à ce que ce soit une raison claire sur une clairvoyance et basée sur de la science et de la compréhension. Il dit sinon ce sera un préjudice et ce sera nuisible aux musulmans si jamais ils ne font pas attention, si jamais ils ne font pas attention et qu'ils guident leurs jeunes et leurs frères en Allah vers la religion d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il dit Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Hada, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.